toujours en vie, mais loin d'être mauvais. Quotidien bresson, je fais régner mon doré. Quand la daronne manquait de liquide, je faisais couler du sang pour en avoir. Chaque jour, c'est la fête nationale, je m'endors toujours avec un pétard. J'en ai dans le ventre comme une femme enceinte. Les boucaves payent pour être plus serein. Dans pas mon cercueil pour me jeter des fleurs. La règle de mon secteur, c'est qu'il n'y a pas de rapporteur. Pas les couilles de faire des streams. Top mon signal, fait partir Chilitron. À force de traîner sur le sol, j'ai obtenu des couilles en béton. Trop atroce. L'instinct nous rend courageux. Les nôtres, on veut faire manger. J'camberge quand c'est nuage. Le système endommagé. J'suis un vrinquin. Je connais par cœur la zone. Tu cherches quelqu'un. J'ai fou, nous entendons personne. J'ai pas le temps d'hésiter. Mais ça m'arrive de le faire quand même. J'ai la haine des cités. Si tu verrais les vies qu'on mène. On s'est déjà médit quand même. Y'a du sang dans le bâtiment. En équipe, on se ramène. C'est des paix, évidemment. Donner, donner, donner sans attendre de recevoir. Mettre la lumière dans le noir. Un merci d'une douce voix. J'en ai vu, j'en vois. Et je sais que j'en verrai encore. Comme la crée tout autour d'un corps. Des darons qui disent nique t'es mort, ouais, normal. Les petits se mettent en boule. Ils craignent plus les coups. Reviennent faire ratatatata. Et c'est la maligoum, ouais, normal. La jalousie est calachée. Ne lui parle pas de port d'âme. Elle peut vite tout gâcher. Même une amitié solvable. Dopé. Sabre sur le dompé. Ousmane Dembélé, droite gauche, je suis toujours sur le bon pied. Hey, ok, je vais finir en beauté. Je mets du sur le feu, pourtant j'arrive avec les bons pieds. J'mets mon flash sous la lune. Parce que ça va pas ce soir. Parce que ça va pas ce soir. Tout ce que je fais, je l'assume. Quitte à les décevoir. J'mets mon flash sous la lune. Récup en bas de la tour, on va passer un peu le temps. Je l'ai connu sans les sous depuis l'époque, ça fait longtemps. On va faire un petit tour, il est cramé le Porsche Macan. Il a le poids qui pète, y'a tout le quartier qui m'entend. J'oublie pas en galère, tu m'as dépanné un petit Loki. Je vais prendre l'équipe avec moi, on style sur des pilotis. J'ai pas trop donné de nouvelles, mais tu m'as manqué aussi. Tu m'as manqué aussi. J'ai vu des trucs de malade. Faut que je reprenne la salade. Que je ralentisse la mala. Rien de qu'y a un barrage. J'ai vu des trucs de malade. Faut que je reprenne la salade. Que je ralentisse la mala. Rien de qu'y a un barrage. Et quand la mélo me parle, tu sais qu'on peut s'envoler comme Armstrong. Des milliers de projets mais zéro tal. Faut que je fonce dans le tas, tête baissée comme un patron. Beaucoup de choses à penser, y'a mon cerveau qui râle. Y croyait même pas mais je l'ai fait au final. Tout droit ça fait peur comme Lecter Hannibal. Et des fois ça m'étonne quand mon cœur a plus mal. Y'a quelqu'un d'autre qui résonne à ma place. Bosse comme un acharné pour pas toucher que le smic. Pas perdre la face, mon regard dans la flaque. Je me dis que je mourrai un jour quand mon cœur bat trop vite. Écoute que le bruit de ma folie, ma passion. Tout baiser maintenant pour contredire la patience. J'suis dans une voiture de location. Bébé accélère et sois pas chiant. Valise, fout le cœur, en quoi de sa braque à continent. Présumé coupable, la juge ne croit pas quand on dit non. Des fois ta vie peut être courte même si ton regard en dit long. Le poteau il doit des sous pour rembourser, il fait passer du pilon. Lunettes quartier claquette villa. Qui aurait cru à cette vie, ouais. Quand le chat n'est pas là, les souris font la malade dans la ville, dans la zone. Si tu es seul voyou, tu finis à Saint-Pierre. Cognon, tu croyais quoi? Que j'allais passer la salle. J'mets mon flash sous la lune. Parce que ça va pas ce soir. Tout ce que je fais, je l'assume. Quitte à les décevoir. J'mets mon flash sous la lune. Parce que ça va pas ce soir. Et tout ce que je fais, je l'assume. Quitte à les décevoir. À chaque fois ça m'appelle, tu connais quoi de ma vie. Des frères m'ont pas l'appel, oh. Solo dans la ville, pourtant le soleil y brille. Mais j'ai peur du trait, oh. J'ai rangé l'orange dans le garage. Des taches de sang sur les phalanges. Ça braque ou voilà l'étalage. Pourquoi tu marcelles quand ça t'arrange. Paris-Marseille en RS3. Quoi qu'il arrive, nous on reste droit. Ils parlent la rue mais connaissent quoi. C'est moi la rue, j'connais la fin. J'entends la rue, ouais c'est abusé. Pour oublier, j'roule une grosse fusée. Le night s'est enrayé, il est traumatisé. Qui j't'a sous l'oreiller, viens pas sympathiser. Sur les joues de ma mère, j'ai vu couler des larmes de sang. J'ressens son désespoir dans un coupé sport. J'allais à la gratte le soir et j'voulais marquer l'histoire. J'ai vu tes coups de fil, toute la nuit j'croise des folles. Dans le four ça défile, j'fais aucun effort. Les condés se font des films, dans ma ville ça rafale. J'parle seul, la nuit, je m'isole et ma plume défile sur la feuille comme un Zola. Le soleil se lève à l'horizon, des années de prison, on oublie la sauna. On dit que le quartier a ses raisons, grandit dans le béton, je reconnais les hommes. J'ai fini la saison, je me languis le prochain épisode qui donnera les hommes. Je n'ai pas une Marseille en terre, bébé, faut pas t'en faire. Je t'en sonne, ce putain de bracelet, le sursis, je transforme en fer. 5 heures du mat, je suis sur l'engin, penché sur le rempart. Je vais pas me faire soulever, je suis à 2-20, je tourne sur le nom du frangin. L'amitié m'a fait des balafres, m'appelle pas, je suis pas là. Je les esquive, Pablo Dybala. Je suis nulle part, je suis dans les parages. J'attends que ça rêve après le barrage. Ce soir je me sens mal, je crois bien que le cœur est malade. Elle veut que je me range, mais j'en fais qu'à ma tête. Le ciel m'a boussole, non, je peux pas me perdre. Elle veut que je me range, mais j'en fais qu'à ma tête. Le ciel m'a boussole, non, je peux pas me perdre. RDV sur la lune, là je suis une taf et puis je déconne. J'ai des problèmes de stup, je vais ce qui tous vos problèmes de folle. La haine vendue, la dure, j'ai toujours respecté les codes. Mes deux pieds sur la ligne, j'attends des panges qui ratolent. Débrouilleur pour bandit, une taille là, j'suis tendu. Un que ça cogite toute la nuit, quand j'suis sous ski, y'a pas de concu. J'dis souvent que j'suis maudit, en vrai c'est ça la vie. J'mets de la salade dans mon joint et j'fais mes salades aujourd'hui. La Jordan Brave, la Jordan S Line, get ma technique sur un classico. Tiens le 2-2 là sur mon pet, j'plane. J'aime trop la frappe là, j'ai les doigts qui collent. J'pète mon flash sous la lune. Parce que ça va pas ce soir. Tout ce que j'fais, je l'assume. Quitte à les décevoir. J'pète mon flash sous la lune. Parce que ça va pas ce soir. Et tout ce que j'fais, je l'assume. Quitte à les décevoir. J'suis trop dans le bain, c'est pas sous le soleil. J'fais des couleurs toute l'année. J'me rappelle qu'on avait pas sommeil. Là j'suis plus là, j'suis vers le sommet. J'suis trop dans le bain, c'est pas sous le soleil. J'fais des couleurs toute l'année. J'me rappelle qu'on avait pas sommeil. Là j'suis plus là, j'suis vers le sommet. Faut que j'y m'en aille. Envie de m'en aller. Envie de m'en aller.